France Inter, franceinter.com. Viol, assassinat, pillage, et toujours ces réfugiés qui cheminent sur des routes improbables, le dos chargé du bagage de toute une vie. Telles sont les images qui nous viennent du Kivu lorsque la grande presse daigne s'intéresser à cette province orientale de la République démocratique du Congo, déchirée pour la troisième fois en un peu plus de 10 ans par une terrible guerre civile. La semaine passée, M. X est remonté à la genèse de cette crise permanente, ou presque, qui a déjà provoqué des millions de morts et continue de meurtrir les deux Kivus. L'événement déclencheur a été le génocide rwandais qui a précipité vers la frontière congolaise des centaines de milliers de Hutus fuyant les représailles des Tutsis. Et parmi eux se trouvaient les acteurs du génocide. Une présence sans cesse dénoncée par le régime de Kigali et son président Paul Kagame, qui a trouvé prétexte pour intervenir au Kivu, une région excessivement riche en minerais de toutes sortes et qui suscite maintes convoitises. Cette première intervention en 1996 se fait sous couvert d'une rébellion conduite par un ancien guérillero congolais, Laurent Désiré Kabila, qui s'appuie sur les Tutsis autochtones et bénéficie donc d'un appui militaire rwandais. L'aventure se traduit par des massacres à grande échelle de Hutus réfugiés dans des camps à la frontière. Mais l'ambitieux Kabila, qui marche jusqu'à Kinshasa et finit par s'emparer du pouvoir corrompu du maréchal président Mobutu, échappe bientôt à ses maîtres rwandais accusés de vouloir annexer le Kivu. C'est le début, en 1998, d'une deuxième guerre civile encore plus meurtrière que la première. Cependant, en 2002, après l'assassinat de Kabila et l'intervention de troupes étrangères qui ne pensent qu'à dépecer le trop riche Congo, la paix revient. Kabila Junior, légitimé par les urnes en 2006, essaie de reconstruire son pays. Mais les ferments de la division n'ont pas disparu et malgré la présence d'un contingent de casques bleus forts de 17 000 hommes pour l'ensemble du Congo, dont 6 000 au Kivu. Au Kivu, justement, qui demeure un foyer d'agitation où l'antagonisme entre Tutsi et Hutu, autochtones ou pas, perdure et où les États voisins, Rwanda et Ouganda, ne cessent de lorgner sur ses richesses minières et encouragent les dissidences, quitte a provoqué une troisième guerre civile dont on voit mal aujourd'hui quelle pourrait en être l'issue. Et le jour chasse le crépuscule, les coups de feu ont rythmé mes nuits blanches à trame noire. Le glaive tranche au loin mon drapeau flanche. Je marche seul entre les flammes, hier la poudre a sévillé. La mort a pris les miens et moi je souffre d'être encore en vie. La guerre a arraché le sourire au môme. J'enjambe les corps dans ma ville fantôme, une arme serrée dans la paume. Bison gauche, martesque, une fresque. Peinte avec du sang, les presque. À la fin, je me sens mal ou presque. Je ressens plus de douleur que de la rage. La plus d'honneur, le bonheur, c'est pesquis comme un voleur. Ici l'orage, pour de l'or noir, c'est triste, frère. Où est le Christ? Ça sent le souffle, ici l'enfer, le mal insiste. J'ai plus de toi, moi j'ai tout ce que j'ai froid, sous le soleil, je broie du noir, le crâne assiégé. Je me demande qu'est-ce qu'on fout après la guerre, le bilan est lourd. Et seul le diable appelle ça de l'amour. Amère, ose, dépose, expose, pose une rose. Quand j'ai à terre, pour les frères que la guerre m'a enlevé, mes douilles ont souillé le sol de mes ancêtres, le point levé. Je reste et ne, je pardonne plus. J'ai la rage, car j'aime plus compter tes faits de perte. J'ai ça ou ça, je crève. Mon stylo pleure sur ma feuille fanée. Mes phrases n'ont plus de sens, comme voir un enfant à terre crâné. Putain, les necks se tirent encore dessus. T'es trop bon, Afrique troquée, trop fond. Sans plan de ne rien voir au fond du gouffre. On souffre, et ce n'est pas encore fini. Je prie pour les vies, compris les hommes cruels sont chibis. Et puis, à eux seuls, tout un peuple. à eux seuls c'est fou. Sous le soleil de Satan, tout est orage et clair partout. Le chant du bourreau résonne et étouffe les prières. Comment peut-on encore me parler de vainqueur après la guerre? La nouvelle crise commence dès 2004. Deux officiers supérieurs de l'armée congolaise, le général Nkunda et le colonel Mutebesi, tous deux Tutsis du Kivu, se mutinent. Et ce n'est pas un hasard, je pense, hein, si ces deux-là sont des Tutsis. Bien évidemment. Je crois vous l'avoir dit la semaine passée, il y a toujours eu des Tutsis au Kivu, et cela depuis fort longtemps. Et des Hutus aussi. Hein. C'est juste. Avant même que les Hutus rwandais ne trouvent refuge au Kivu après le génocide de 1994. Et cette présence a souvent provoqué des incidents avec la population autochtone congolaise. Mais pour laquelle ces Hutus et Tutsis, malgré leur longue installation, sont d'abord des Rwandais. Même s'ils sont installés au Congo depuis très longtemps. Alors, vous me dites, ce n'est pas un hasard si ces deux officiers supérieurs mutins sont des Tutsis. Et vous avez raison, car il est difficile de ne pas croire que le régime Tutsi du président Kagame a encouragé et peut-être même directement suscité cette rébellion. Mais toujours pour la même raison, là, l'exploitation des richesses du sous-sol du Kivu. En effet, et à Kigali, on n'est pas loin de penser que les deux Kivus, nord et sud, devraient un jour ou l'autre être purement et simplement annexés. Ce qui représenterait une véritable bouffée d'oxygène pour le petit Rwanda dont la densité démographique est très importante. En outre, il existe de nombreux points communs entre le Rwanda et le Kivu. Hein. C'est vrai que ces deux territoires se ressemblent et offrent les mêmes paysages. Des collines, des forêts vert émeraude, des terres arables très riches et des volcans. Et puis aussi une biodiversité considérable. Bah, on y trouve par exemple, comme au Rwanda, les derniers gorilles. Mmh. Et la dimension hein. Alors, le Kivu est grand comme la moitié de la France, tandis que le Rwanda est 10 fois plus petit que le Kivu. Ah oui, on comprend mieux, c'est quoi. Alors revenons à la rébellion de ces deux mutins, si vous voulez bien. Il faut d'abord parler de l'armée congolaise qu'ils ont abandonnée. Le jeune président Kabila. Le fils de l'autre. C'est ça. Donc Joseph Kabila, dans le but de neutraliser les groupes armés qui sévissaient un peu partout au Congo, a pris la décision de fondre toutes ses troupes au sein des forces armées congolaises, ce qu'il a appelé le brassage. Ce n'était pas forcément idiot, hein. Effectivement, mais il en est résulté une armée hétéroclite et très peu motivée. La démonstration va en être faite très rapidement. Dès les premiers engagements contre les troupes de Nkunda, les militaires congolais ne vont rien avoir de plus pressé que de fuir et de s'en prendre aux populations civiles qui vont subir leurs exactions. En outre, il faut souligner que ces soudards sont mal payés, et même quelquefois pas du tout. Mais pourquoi ? Parce que les officiers sont généralement corrompus et accaparent la solde de leurs hommes. Des officiers qui iront même jusqu'à augmenter artificiellement leurs effectifs pour toucher plus. Bien comprendre. Mais ça ne vaut pas simplement pour le Congo, que ces guerres régionales et intermittentes sont aussi des rentes de situation pour les cadres de l'armée. Ainsi, grâce à l'argent détourné, au marché noir ou encore au pillage, certains officiers congolais se sont fait construire des maisons au Kivu. C'est-à-dire qu'ils se sont durablement installés. Et qu'ils sont d'abord devenus des hommes d'affaires au lieu de lutter contre la rébellion. Alors justement, je reviens à nos deux mutins. En 2004, ils s'emparent momentanément de la capitale du Sud Kivu, Bukavu. Mais de quelles troupes là, disposent-ils ? C'est très curieux. Ils commandent alors des milices qui sont composées à la fois de Hutus et de Tutsis. C'est une sorte de réconciliation ? En réalité, ces gens-là sont surtout des autonomistes kivusiens très proches du Rwanda qui ne veulent plus dépendre du gouvernement de Kinshasa. Mais c'est une tentative de sécession. Ça y ressemble, en tout cas. Mais après une dizaine de jours de combats et de nombreux massacres, cette tentative fait long feu. Mutebesi se réfugie au Rwanda, tandis que Ngunda, invaincu, se replie dans le nord Kivu. Mais la menace demeure. Et ce n'est pas la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt pour rébellion, crime de guerre et même crime contre l'humanité qui peut le dissuader de renoncer à se battre. Alors, un mot peut-être là sur ce général Ngunda. Je suis sûr que vous avez déjà vu des photographies de ce rebelle. Un type très grand, très mince, au très fin et aux lunettes cerclées de métal, parfois coiffé d'un chapeau à large bord. Autre particularité qui n'a pas pu vous échapper, ce personnage qui arbore toujours des uniformes impeccables a invariablement une canne à la main. Une canne à pommeau sculptée. Sans doute, une manière d'affirmer son autorité, mais cette image raffinée ne doit pas faire illusion. Ngunda est aussi un homme impitoyable qui a ordonné de nombreux massacres de civils, en dépit du fait qu'il se réclame d'une secte évangélique. Ah oui, mais d'où vient-il ? Ce quadragénaire, ancien étudiant en psychologie, a commencé sa carrière militaire dans l'armée rwandaise, où il a rapidement pris du galon. Puis, comme d'autres officiers et hommes de troupe de l'armée du président Kagame, il a participé à l'offensive de Kabila contre le régime de Mobutu. Lors de la première guerre. Ensuite, lorsque Kabila s'est retourné contre ses alliés rwandais, il s'est engagé dans un mouvement rebelle Tutsi, le RCD. Ouais. C'est alors la deuxième guerre du Congo. Et la paix revenue, il intègre l'armée congolaise. Ce brassage-là que vous avez évoqué. Oui, mais ça ne dure guère. Dès 2004, donc, Ngunda entre en dissidence et il occupe momentanément Bukavu, qu'il met à feu et à sang. Mais comment justifie-t-il sa rébellion ? Officiellement, il accuse Kinshasa de ne pas avoir désarmé les milices Hutu présentes au Kivu. Toujours ça. Oui, ouais. Des milices qui serviront d'ailleurs de troupes supplémentaires au service de l'armée de Kabila. Donc, alors, Ngunda n'a pas tout à fait tort. Certes, mais je suis persuadé qu'il s'agit d'un prétexte. En réalité, nous en reparlerons, Ngunda est un ambitieux qui rêve peut-être de rééditer l'aventure victorieuse de Kabila Senior. C'est-à-dire la marche sur Kinshasa. Et la prise du pouvoir. Et en attendant, il sert les intérêts de ses puissants alliés rwandais. Qui rêvent, eux, de mettre la main sur le Kivu. Enfin, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais il me faut ajouter que Ngunda est un personnage très charismatique, capable d'enthousiasmer les foules. Et d'abord, naturellement, ses soldats. Ensuite, Ngunda, qui est un véritable chef, a réussi à édifier une troupe disciplinée et redoutablement efficace, à laquelle, malheureusement, il a intégré des enfants soldats. Oui, malheureusement, enfin, comme dans de nombreux autres pays africains. En effet, tout au long de l'année 2006, on assiste à des engagements limités entre cette troupe et l'armée officielle congolaise. C'est aussi le moment où Ngunda franchit un pas supplémentaire en créant son propre mouvement politique, le CNDP. CNDP, ça veut dire ça ? Congrès national pour la défense du peuple. Ah, et ça doit être l'instrument de l'ambition politique de Ngunda. Ngunda qui, dès cet instant, affirme qu'il veut aller bien au-delà de la simple conquête du Kivu. En même temps, les affrontements armés deviennent de plus en plus importants. Et à chaque fois, il provoque non seulement des centaines de morts, mais aussi de véritables catastrophes humanitaires. Quoi, malgré la présence des casques bleus de l'ONU ? Oui, la MONUC, tel est le nom de cette mission de paix, semble impuissante à rétablir l'ordre. Et pourtant, elle est très bien équipée et dispose même de blindés et d'hélicoptères d'attaque. Alors, comment expliquer cette impuissance ? Il y a sans doute des problèmes de commandement. Mais il faut aussi remarquer que la MONUC est presque aussi disparate que l'armée congolaise. Les soldats indiens qui en font partie répugnent, par exemple, à passer sous commandement pakistanais. Et la réciproque est naturellement vraie. Mais j'y reviendrai longuement. Et la communauté internationale Elle fait ce qu'elle peut. Mais là encore, les arrière-pensées ne sont pas absentes. Ainsi, les États-Unis pensent d'abord à réduire l'influence française dans la région. Il y a toujours cette rivalité là, entre les anglo-saxons et les francophones. Une opposition qui a joué un rôle tragique lors du processus qui a conduit au génocide rwandais, oui. Enfin, inutile d'y revenir, nous en avons parlé récemment. Quoi qu'il en soit, les pressions internationales aboutissent à l'ouverture d'une négociation directe entre les deux vrais partenaires, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et au début de 2008, on célèbre une grande messe de la paix. C'est le premier espoir depuis très longtemps. quelques touches supplémentaires pour compléter le portrait de Laurent Nkunda brossé par M. X. Je les ai trouvées dans un récent article du Times. Le général Nkunda est un homme plein de contradictions. C'est un habitant de la jungle, courtois, un chef de guerre chrétien évangélique, un stratège militaire cérébral, capable d'une cruauté épouvantable. Et le journaliste Tristan McConnell de donner des exemples. En 2002, le général a réprimé un soulèvement à Kisangani, une ville commerciale de première importance, jadis connue sous le nom de Stanleyville, et située dans un méandre du Congo. Plus de 160 personnes ont été exécutées, certaines jetées pieds et mains liés dans le fleuve du haut d'un pont, ce qui a valu au général le surnom de « boucher de Kisangani ». En 2003, dans le cadre d'un accord destiné à mettre fin à un conflit qui avait déjà fait 3 millions de victimes, Laurent Nkunda a été nommé général de l'armée congolaise. Mais l'accord n'a pas abouti. Des centaines de milliers de femmes ont été violées et des dizaines de milliers d'enfants ont été enrôlés pour combattre. Le général Nkunda est un homme plein de contradictions. C'est un habitant de la jungle, courtois, un chef de guerre chrétien évangélique, un stratège militaire cérébral, capable d'une cruauté épouvantable. Et le journaliste Tristan McConnell de donner des exemples. En 2002, le général a réprimé un soulèvement à Kisangani, une ville commerciale de première importance, jadis connue sous le nom de Stanleyville, et située dans un méandre du Congo. Plus de 160 personnes ont été exécutées, certaines jetées pieds et mains liés dans le fleuve du haut d'un pont, ce qui a valu au général le surnom de « boucher de Kisangani ». En 2003, dans le cadre d'un accord destiné à mettre fin à un conflit qui avait déjà fait 3 millions de victimes, Laurent Nkunda a été nommé général de l'armée congolaise. Mais l'accord n'a pas abouti. Des centaines de milliers de femmes ont été violées et des dizaines de milliers d'enfants ont été enrôlés pour combattre. Le général Nkunda a refusé de se placer sous l'autorité de Kinshasa, reprochant au gouvernement de n'avoir pas désarmé les milices Hutus qui se trouvaient toujours dans l'est du pays. En juin 2004, ses troupes ont assiégé et envahi Bukavu, une ville jadis d'une grande beauté située sur la rive méridionale du lac Kivu. Décrétant qu'il devait protéger la population Tutsi des attaques d'autres ethnies, il ordonnait à ses soldats de passer à l'assaut et ces derniers ont violé femmes et enfants, exécuté des civils et pillé les maisons et les magasins. Au cours de cette grande messe de réconciliation du mois de janvier 2008, Rwandais et Congolais décident de ne plus s'allier avec tous les groupes irréguliers qui sévissent au Kivu et se paient sur le pays. Mais parce qu'il n'y a pas seulement les rebelles de Nkunda. Hein. Non, alors voyons ça de plus près, je simplifie au maximum parce que c'est un petit peu compliqué. Il faut d'abord évoquer le FDLR, c'est-à-dire les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Du Rwanda, dites-vous, mais alors, que fait ce FDLR au Congo? Je vous explique. Ce mouvement armé et politique regroupe des soldats ou des miliciens Hutus qui se sont exilés au Kivu après la victoire des Tutsis au Rwanda. Et il y a donc parmi eux des hommes qui, peut-être, ont pris part au génocide de 1994. Ben forcément. Impuissants à lutter contre l'armée rwandaise, qui est l'une des plus fortes de la région, ces soldats perdus sont devenus au Congo des sortes de mercenaires. Et dans cette troisième guerre civile, là, ils sont au service de qui? Ben, en ce moment, ils combattent aux côtés de l'armée congolaise. Contre Nkunda? Ben, ça ne les empêche nullement de se retourner ponctuellement contre les forces armées congolaises. En fait, ces Rwandais exilés sont devenus à peu près incontrôlables. Mais quelles forces représentent-ils? On estime qu'ils contrôlent un bon tiers des deux Kivus. Ah oui, quand même. Bien sûr, ils ne sont pas les derniers à mettre le pays en coupe réglée. Mais il me faut aussi signaler l'existence d'une autre bande armée, les Maïmaï. Que sont-ils, ceux-là? Une explication d'abord à propos de cette curieuse appellation. En Kiswahili, Maï signifie l'eau. Et si l'on les nomme ainsi, c'est que ces guerriers croient au pouvoir magique de l'eau dont ils s'aspergent avant d'aller combattre. L'eau qui est censée les protéger des balles. Qui les rend donc invulnérables. C'est ça. Mais attention, malgré cette touche folklorique, les Maïmaï doivent être pris au sérieux. Alors, qui sont-ils, me demandez-vous? Eh bien, ils s'affirment comme les représentants des véritables populations autochtones du Kivu. Des patriotes qui ont successivement lutté contre tous les envahisseurs qui se sont abattus sur leur territoire. Ils ont donc constitué, dans les villages, des groupes d'autodéfense qui se sont progressivement unifiés et placés sous les ordres d'un prestigieux général, Padiri Bulenda. Mais quelle est leur véritable importance, hein? Au Nord Kivu, on estime que les Maïmaï regroupent 30 000 combattants, des hommes aguerris, et qui, enfin tout est relatif, se conduisent généralement avec moins de sauvagerie que les autres bandes armées. Tout au plus se contentent-ils d'exiger un impôt des populations qu'ils contrôlent, ce qui ne les empêche pas d'être très populaires au Kivu. Ouais, parce qu'ils en sont originaires. C'est évident. Ouais. Et ils doivent donc être les adversaires naturels de Nkunda, là, qui est soutenu, lui, par le Rwanda. Et à Kinshasa, on a très vite réalisé que ces Maïmaï pouvaient être des alliés très utiles. Le président Kabila a donc décidé de les aider en leur faisant parvenir des équipements militaires. Alors, je reviens à cet accord de paix signé au début de cette année. Il ne tarde pas à voler en éclats. Et qui a pris l'initiative, là? Le général Nkunda, qui, il faut le remarquer, a pourtant été l'un des chefs de guerre à avoir été associé à cette négociation, et qui ne va pas tarder à retourner sa veste. Mais pourquoi alors? Je ne vois qu'une explication. Ses commanditaires rwandais n'étaient pas vraiment décidés à cesser les hostilités. Ça commence sérieusement dès le mois de mai. Nkunda lance une offensive au Nord Kivu contre les forces gouvernementales. En employant des armes lourdes, il conquiert assez rapidement plusieurs localités de la région. Alors, je vous repose une nouvelle fois la question. Que font les casques bleus de la MONUC? Ils tentent de s'opposer à cette offensive, en particulier grâce à leurs puissants hélicoptères d'attaque. Mais il faut bien reconnaître que la plupart du temps, les 6000 casques bleus présents au Kivu ne sortiront pas de leur camp, alors même que des massacres se perpètrent quasiment sous leurs yeux. Une passivité qui leur vaudra d'ailleurs d'être parfois violemment prise à partie par les populations victimes des exactions des forces armées de Nkunda ou de l'armée congolaise qui se débande devant l'irrésistible avancée des rebelles. Mais comment expliquer cette impuissance, là, les casques bleus, là? Je crois vous avoir dit que l'hétérogénéité de cette troupe ne favorise guère son efficacité. L'hostilité entre casques bleus, pakistanais et indiens. En particulier, oui, mais il y a aussi cette réalité. Ces soldats de la MONUC, en dépit du fait que le mandat de l'ONU leur permet d'ouvrir le feu et d'user de la force, hésitent à s'engager et en réfèrent d'abord à leur gouvernement respectif avant d'agir. Ça, c'est la négation même de force internationale, hein. Mais telle est la triste vérité. En outre, ces casques bleus sont certainement irrités de constater que l'armée gouvernementale congolaise, incapable de résister malgré sa supériorité numérique, s'en remet à eux pour stopper l'offensive des soldats de Nkunda. Parfois même, les soldats congolais s'abritent derrière les lignes des casques bleus pour canonner leurs adversaires. Et ça ne donne pas envie aux soldats de l'ONU de s'engager plus avant. J'en suis persuadé. Ils n'apprécient pas d'être considérés comme des supplétifs de l'armée congolaise. À l'inverse, ces soldats de la paix, comme on les appelle, sont l'objet d'une grande méfiance à Kinshasa. Et pourquoi? Parce que les autorités congolaises ont tendance à les considérer comme des prédateurs semblables aux autres. Il faut préciser là quand même, Des casques bleus ont ainsi été soupçonnés de se livrer à divers trafics et même d'avoir commis des exactions sexuelles. Des viols. Et c'est pourquoi Kinshasa n'a guère envie qu'un contingent supplémentaire de casques bleus indiens vienne grossir les effectifs de la MONUC. Mais je poursuis la chronologie. En septembre, alors que les forces de Nkunda ont considérablement progressé sur le terrain, le général rebelle propose un arrêt des hostilités si Kinshasa accepte d'ouvrir des négociations directes avec lui. Il réclame une discussion d'égal à égal. Nkunda se pose donc clairement en rival de Kabila. Ça me paraît clair. Et comme ce dernier n'est pas disposé à lui offrir ce vernis de respectabilité, Nkunda va encore plus loin. Au début octobre, il appelle tous les Congolais à se dresser contre le gouvernement de Kabila. Son combat, comme vous le laissiez entendre, va donc bien au-delà de la simple question du Kivu. Apparemment, oui. Et Nkunda ajoute que sa lutte ne se terminera qu'avec la libération totale du peuple congolais. Et c'est sérieux? Pas trop, non. Car même si Nkunda dispose de quelques milliers de combattants disciplinés et bien encadrés, Il semble difficile qu'ils puissent conquérir avec si peu d'hommes un pays immense comme la RDC. Oui, mais autrefois, Kabila n'a pas agi autrement. Vous avez raison. Et Kabila, comme Ngunda aujourd'hui, disposait du soutien militaire du Rwanda. Là, il n'empêche que j'ai des doutes. Et à mon avis, le général Ngunda veut avant tout se tailler un fief. Ou qui vous ? Bien évidemment. Ouais. J'en veux pour preuve la façon dont fonctionnent Ngunda et les siens. Ah ben, expliquez-moi. Dans les territoires qu'il contrôle, ces Tutsis gèrent les ressources en bon père de famille, si j'ose dire. Les ressources, quoi, minières ? Non, non, ça n'a pas l'air d'intéresser outre mesure Ngunda. Et si j'en juge par les fluctuations actuelles du cours des minerais, il n'a peut-être pas tout à fait tort. En outre, il préfère confier cette exploitation à des hommes d'affaires Tutsis qui lui paient des redevances. Ouais, des impôts. Ou du racket, comme vous voudrez. Bon. Non, ce qui intéresse vraiment Ngunda, c'est la terre. Quoi, l'agriculture ? Et surtout l'élevage. Ce rebelle sanguinaire possède d'importants troupeaux de vaches qui sont engraissés sur les riches pâturages du Nord Kivu avant d'être revendus au Rwanda. Une activité qui procure à Ngunda du bon argent frais. C'est pittoresque. Au fond, c'est comme si le Tché s'était fait gardien de vaches. À peu près, ouais. Oui. Alors, c'est pour ça que vous ne le voyez pas marcher vers Kinshasa. Et sa volonté de soulever tout le Congo n'est que rodomontade. Mais je peux me tromper, quoi qu'il en soit. Ce paisible éleveur de vaches est aussi un redoutable chef de guerre qui risque de mettre le feu à toute l'Afrique centrale. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Difficile de ne pas se poser la question tant le président congolais Joseph Kabila semble sur la réserve alors que l'est de son pays traverse la plus grave crise de son histoire. Réponse de Marianne Meunier dans un numéro de Jeune Afrique du mois de novembre dernier. En ces temps difficiles, la personnalité du chef est mise à l'épreuve. La manière toujours discrète, voire silencieuse, de Joseph Kabila ne fait pas l'unanimité, surtout dans l'adversité. Une semaine s'est écoulée entre l'appel de Laurent Nkunda, le 2 octobre, incitant les Congolais à renverser le gouvernement, et la réaction du chef de l'État sous forme de discours à la nation. « C'est trop », juge un membre de l'opposition. « On a eu l'impression qu'il n'y avait personne au sommet. » Contrairement à ses prédécesseurs, Joseph Kabila s'exprime et se montre peu, n'aime ni les mains de foule, ni le culte de la personnalité. Une attitude qui déconcerte, mais qui est probablement la seule concevable. Et pourtant, ajoute la journaliste de Jeune Afrique, cela n'empêche pas Joseph Kabila d'être respecté et accepté, pour l'essentiel à l'ouest du pays, naturellement. Vous venez de me dire que Ngunda risquait de mettre toute l'Afrique centrale à feu et à sang. Oui, je vais vous expliquer dans un instant. Auparavant, revenons une dernière fois à la chronologie. Ouais. Après sa déclaration incendiaire du début octobre 2008, Laurent Ngunda reprend l'offensive. Tant et si bien qu'à la fin de ce même mois, la principale ville du Nord Kivu, Goma, est sur le point de tomber. Et quelques jours plus tard, c'est la bourgade de Kiwanja qui va connaître une véritable tragédie. Il me semble même avoir lu qu'on a assisté là à une sorte de Srebrenica congolais. C'est votre consoeur, Colette Brackman, qui a utilisé cette expression. Ouais, la journaliste belge Brackman, qui connaît parfaitement la région. Et qui vit même là-bas. Alors, voici ce qui s'est passé. Les troupes de Ngunda s'emparent d'abord de Kiwanja, mais des combattants Maïmaï contre-attaquent dans la localité. Mais c'est Maïmaï qui agissent souvent, c'est ce que vous avez dit, comme des alliés de l'armée congolaise. Et qui sont plus efficaces, au moins en matière militaire. Car il leur arrive à eux aussi de se conduire parfois avec la plus grande sauvagerie. En tout cas, ils ont à peine repris la localité que les hommes de Ngunda repassent à l'attaque. Et c'est le drame. Ces rebelles entreprennent un massacre systématique de tous les jeunes gens de la bourgade. Opérant de porte en porte, ils débusquent tous les habitants, filles et garçons, qui ont moins de 35 ans et les tuent. Mais pourquoi cette folie ? Parce que toutes ces victimes en âge de se battre sont accusées de soutenir les Maïmaï. Mais ce qui est encore presque pire, c'est que ces massacres ne provoquent aucune réaction de la part de la garnison de la MONUC qui réside à Kiwanja. Les casques bleus n'ont donc pas tenté de protéger les civils ? Malheureusement, non. Et c'est pourquoi, alors, Colette Brackman, à parler de Srebrenica? Parce que là-bas aussi, les Bosniaques de cette enclave sous protection de l'ONU avaient été liquidés par les Serbes, malgré la présence des casques bleus. Ouais. Mais les chefs là, de ces soldats de l'ONU ont-ils justifié leur passivité? Oui, ils ont affirmé qu'il régnait un tel désordre dans les rues de la localité qu'en tirant sur les rebelles, ils auraient pris le risque de tuer les civils. Mais des civils qui, n'importe comment, si je vous entends bien, ont fini par être tués. Hein. J'ajoute que si les soldats Tutsis de Nkunda ont fait preuve d'une telle férocité, c'est que Kiwanja était réputé abriter de nombreux Hutus. Enfin, je dois dire que ces tueries ont été accompagnées de nombreux viols. Oui, parce que le viol est devenu maintenant une arme de guerre. Comme hein. Ça l'était déjà en Bosnie dans les années 90. Quoi qu'il en soit, malgré l'inertie coupable des casques bleus qui coûtent quand même $1 milliard par an à la communauté internationale, l'ONU a essayé de reprendre la main en envoyant un émissaire de poids dans la région. Ah, qui? L'ancien président du Nigeria, Obasanjo. Ce dignitaire a en particulier rencontré Laurent Gunda. Ah, ça, c'est une reconnaissance internationale là, pour le chef rebelle. Hein, exactement. Ça, et pour l'occasion, le très élégant Gunda avait passé un complet civil. Oui, mais résultat, Gunda a décrété un cessez-le-feu unilatéral et n'a pas poursuivi son offensive jusqu'à Goma. Ah, ça, c'est un signe de bonne volonté. Mais qui n'a entraîné aucune réaction à Kinshasa. Or, comme l'a souligné ironiquement Nkunda, un cessez-le-feu, c'est comme danser le tango, on ne peut pas le faire tout seul. Et pour l'instant, Kabila refuse d'être le partenaire de Nkunda. Et ce dernier, tout en se donnant le beau rôle, celui d'un chef ouvert à la négociation, consolide ses positions. Quoi, avant de lancer une nouvelle offensive? C'est très probable. Alors, je vous parlais des risques d'embrasement de toute la région centrale de l'Afrique. Il faut en effet savoir que le président Joseph Kabila a officiellement demandé l'aide de l'Angola pour venir à bout de la rébellion. Oui, mais attendez, l'Angola est très loin du Kivu. C'est vrai, l'Angola se trouve au sud-ouest du Congo. Et tandis que le Kivu se situe à l'est. Hein. Donc les possibilités d'intervention militaire directe de l'Angola sont minces. Pourtant, d'après des informations relativement précises, il semble bien que des soldats angolais aient déjà rejoint les rangs de l'armée congolaise. C'est très préoccupant. Mais pourquoi alors? Parce que ça pourrait réveiller de vieux antagonismes, rappelez-vous. L'Angola est déjà intervenue au Congo. Oui, à la demande de Kabila père. Oui, hein, ouais. Oui. Et alors que le Rwanda et l'Ouganda étaient également engagés au Congo et tentaient de renverser le président de la République démocratique du Congo. Alors, on pourrait donc assister à des affrontements directs entre Rwandais et Angolais? Ça n'est pas exclu. En tout cas, cette immixtion angolaise dans les affaires congolaises permettrait au Rwanda de justifier sa propre intervention. Une intervention qui, si je vous ai bien entendu, est un secret de polichinelle. C'est évident. Ouais. Mais officiellement, Kigali dément toute présence de son armée au Kivu. J'ajoute, et ce n'est pas moins curieux, que les grandes puissances ne sont pas tout à fait étrangères à la question. La France, par exemple, entretient d'excellentes relations avec Kinshasa et l'a renouée avec le régime angolais. Oui, en essayant de déminer la fameuse affaire de l'Angola Gate. Hein. Mais d'autre part, le Rwanda a les faveurs des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Alors, vous voyez où je veux en venir. Ce qui pourrait se jouer au Congo pourrait être une nouvelle illustration de la guerre d'influence que se livre depuis si longtemps francophone et anglophone dans l'Est africain. Et dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que l'initiative de Bernard Kouchner, qui voulait envoyer au Kivu une force d'interposition européenne, militaro-humanitaire, ait été sèchement retoquée par la Grande-Bretagne. En tout cas, bon, cette guerre d'influence n'est pas sans avoir déjà joué un rôle tragique dans le génocide rwandais. Hein, vous le soulignez vous-même. Hein. Oui, à cause du soutien sans faille que Paris a trop longtemps accordé au pouvoir Hutu. Les enjeux sont donc de taille et dépassent la stricte question du Kivu. Tenez, même les Chinois sont concernés. Pourquoi les Chinois? Pékin a signé des contrats très avantageux avec Joseph Kabila. Des contrats de quelle nature là? Comme d'habitude avec les Chinois, ces contrats ressortent du troc, contre l'autorisation d'exploiter quelques-unes des richesses fabuleuses du sous-sol congolais. Pékin a promis de construire des routes, des hôpitaux, des écoles. Et autant d'équipements dont Kinshasa a cruellement besoin. Hein. Certes, mais il s'est trouvé de mauvais coucheurs pour prétendre que ce troc avantageait de façon outrageuse les Chinois. Et parmi ces chicaneurs se trouve Laurent Nkunda. Et donc ces protecteurs rwandais. Hein. Bien sûr. Gunda a donc demandé que ses contrats passés avec la Chine soient révisés. C'est clair, Kigali ne veut pas du concurrent chinois. Kigali, mais aussi toutes les compagnies anglo-saxonnes qui exploitent les ressources du Kivu. et qui ont bien l'intention de continuer à le faire avec la complicité de Rwanda. Car, voyez-vous, il est intéressant de mettre l'accent sur un fait très bizarre. De quoi voulez-vous parler, là ? Le Rwanda, à ma connaissance, ne dispose pas de ressources minières, pas d'or, pas de diamants, pas de cobalt, ni de coltan et d'étain. Or, très curieusement, ce pays est exportateur de ces minéraux. Et autant de richesses qui sont donc pillées au Congo. Et d'abord dans sa province du Kivu. C'est pourquoi la troisième guerre civile du Congo n'est pas prête de se terminer. Trop d'intérêts sont en jeu. Mais ce sont les populations qui paient le prix fort. Déjà plus de 450 000 morts et un bon million de déplacés. Et ni les gesticulations diplomatiques, ni les promesses de l'ONU de renforcer la mission des casques bleus n'y pourront mais. Aucune solution n'est en vue. Monsieur X a évoqué la journaliste belge Colette Brachmann. Dans un livre publié en 2003 chez Fayard et intitulé « Les nouveaux prédateurs », cette spécialiste de l'Afrique s'intéresse à ce minerai fabuleux, le coltan, qui fait partie de ces ressources tant convoitées par les multinationales occidentales. Extrait. Utilisé dans la fabrication de la nouvelle génération de téléphones portables, UMTS, et des consoles de jeux électroniques, PlayStation, le Colombo Tantalite a été présenté comme le matériau vedette de la fin des années 1990. Or, cette poussière grise d'allure peu engageante se trouve pratiquement à ciel ouvert au Kivu. Même au Rwanda, des gisements existent de dimensions plus modestes, mais d'une excellente teneur en tantale. C'est pour le coltan que les pâturages du Mazizi ont été détruits, que le parc naturel du Kahuzi-Biega a été éventré, de même que le parc des Virunga, pourtant classé patrimoine de l'humanité, où les rhinocéros et les gorilles de montagne ont été décimés aux fusils mitrailleurs. C'est pour le coltan encore que les villageois du Kivu ont été transformés en esclaves, que les écoles ont été désertées, que des détenus Hutus ont été tirés des prisons du Rwanda et conduits au Congo pour y travailler comme creuseurs, moyennant une prime de 5 dollars par jour. Je vous rappelle le livre de Colette Brachmann, « Les nouveaux prédateurs ». Je vous recommande aussi le « Business de la guerre » avec notamment un chapitre sur le Congo de Dario Azzellini et Boris Kanzleiter, édition Gatuzin. Et puis naturellement, dans la collection « Rendez-vous avec X » coéditée par France Inter, « Les dessous de la France-Afrique » qui vient de paraître. Sur franceinter.com, vous trouverez un dossier, une bibliographie détaillée établie par Rebecca de Nantes. Et je remercie aussi Valérie Ayestaraï et M. Djoub. Allez, on respire tout de suite après le flash, c'est Au-delà de mon amour de Denis Chessou. France Inter.